Chapitre 19e. Au sortir de l'hôtel de Mussidan, après sa promesse à Sabine, M. de Broglie-Faverley ne remonta pas dans le phaéton qu'il avait amené et qu'il attendait au bas du perron. « Rentrez doucement à l'hôtel, » dit-il à ses domestiques, « j'irai à pied. » Il éprouvait, comme après toutes les crises, un impérieux besoin de mouvement. Il voulait marcher, se lasser, s'il était possible, pour se remettre, pour tasser ses idées, pour ressaisir son sang-froid en déroute. S'il était profondément et péniblement affecté, il était plus surpris encore. Il se sentait étourdi, comme après une chute. Il y avait tant d'années qu'il n'avait été remué par un sentiment profond et durable, qu'il ne se reconnaissait plus. Ses amis ne l'auraient pas reconnu davantage à le voir descendre à grandes enjambées les Champs-Élysées. Qu'était devenue sa belle impassibilité glaciale, admiration et modèle de tous les jeunes gens de son cercle. Son visage, dont rien jamais ne dérangeait les lignes correctes, était bouleversé. L'émotion, la passion, la stupeur l'emportaient si bien hors de lui-même que tout en marchant il parlait à haute voix, s'exclamait et gesticulait ce qui est d'un commun à faire frémir et contre toutes les règles. « Voilà donc la vie, » disait-il. « On se croit bronzé, blasé, usé, vieilli, fini. » On juge tout mort en soi. Il suffit d'un regard de beaux yeux pour vous rendre les palpitations de l'adolescence. On se trouble autant qu'un lycéen, on balbutie, on rougit et même, le diable m'emporte, on sent une larme taquine au coin de l'œil. Certes, il aimait déjà Sabine. Le jour où il avait demandé sa main au comte de Mussidan, il l'aimait, mais non comme en ce moment. Depuis qu'il la savait perdue pour lui, il lui découvrait des mérites extraordinaires. Elle lui paraissait plus belle, plus spirituelle, parée de surprenantes qualités, mille fois plus désirable, enfin. Qui donc eût jamais pu prévoir cela, que lui, le grand seigneur adulé, envié et recherché par excellence, lui, adoré de toutes les femmes, si tous les hommes le redoutaient, il serait repoussé le jour où, pris d'une passion sérieuse, il offrait à une jeune fille sa fortune et son nom. « Ah, c'était bien là, » murmurait-il, « la compagne que je rêvais. » Retrouverai-je jamais cette âme tendre, cet esprit viril, tant d'innocence et de chaste témérité, parmi toutes ces agaçantes poupées que je vois autour de moi, s'habillant, babillant, chevauchant, parlant argot et copiant les excentricités des filles? Est-il une Sabine, parmi ces extravagantes, pour qui la vie est comme un cotillon perpétuel, et qui prenne un mari comme elle choisit sa valseur, parce qu'on ne peut valser seul? Toutes les femmes lui paraissaient haïssables en ce moment, et il avait par avance des rassasiements, rien qu'à songer aux héritières de sa connaissance. Quelle expression sublime avaient ses yeux, pensait-il, pendant qu'elle parlait de lui. Elle eût croit du génie, et l'adoptait toutes ses pensées. C'est son âme à lui qui palpite en elle. Avec quelle noble fierté elle disait, « Nous, nous sommes pauvres, nous n'avons pas de nom. » Cependant, il essaya de secouer la tristesse affreuse qui l'envahissait. « Bah !» s'écria-t-il, en décrivant un moulinet avec sa canne. « De cette affaire, je mourrai garçon. Mon valet de chambre, sur mes vieux jours, deviendra mon meilleur ami. Je ferai un dieu de mon ventre. Le baron Brice prétend qu'on peut faire jusqu'à 4 repas par jour. C'est quelque chose. Puis, pour égayer mes digestions, j'aurai autour de mon fauteuil la comédie de mes héritiers. » Il eut un ricanement nerveux, mais presque aussitôt il ajouta, non sans un douloureux soupir, « Ah, n'importe, ma vie est manquée. » Cependant, si cruelle que fut la déception, si cuisante que fut la blessure, M. de Breuil n'en voulait ni à Sabine, ni à cet autre dont il enviait l'étonnant bonheur. Orgueilleux au suprême degré, il était au-dessus des absurdes vanités des gens médiocres. Il ne voyait rien d'extraordinaire, d'anormal, de monstrueux à ce qu'une femme lui préférât un autre homme. Il en gémissait, voilà tout. Sabine avait bien jugé lorsqu'elle s'était dit « Celui-là aussi est digne d'être aimé. » M. de Breuil méritait un autre piédestal que celui que lui avaient élevé des amitiés et des rivalités également idiotes. Il valait mieux que sa réputation, que sa vie, que son époque. Il valait mieux surtout que ses nombreux amis. À la mort de son oncle, il s'était lancé de ce qu'on appelle le tourbillon de la haute vie, mais il avait été vite las de cette existence vide et agitée. Posséder une écurie victorieuse, voir ses déplacements signalés par les journaux de sport, être trompé à raison de 200 ou 300 louis par mois par une demoiselle de théâtre, ne suffisait pas au bonheur de ce difficile mortel. Depuis longtemps déjà, rongé d'ennui sous ses frivoles apparences, il cherchait un but à son ambition, une tâche à la hauteur de ce qu'il se sentait d'énergie et d'intelligence. Il s'était bien juré que la veille de son mariage, il vendrait ses chevaux de course et romprait avec des habitudes qui l'excédaient. Et voici que ce mariage tant souhaité devenait impossible. Lorsqu'il entra à son club, les traces de ses émotions étaient si évidentes que plusieurs jeunes gens occupés à battre les cartes laissaient voir leur surprise et ne purent s'empêcher de lui demander si par hasard Chamborant, un de ses chevaux, déjà classé pour le Grand Prix, n'était pas indisposé. Il répondit que Chamborant se portait à merveille et se hâta de passer dans un des petits salons réservés à la correspondance. « Sur quelle herbe a donc marché De Breul ?» remarqua un des joueurs. « Qui sait ? Le voilà en train d'écrire. » Il écrivait, en effet, à M. de Mussidan pour retirer sa parole, et la besogne n'était pas aisée. En relisant sa lettre, M. de Breul dut s'avouer que sous chaque phrase perçait une pointe d'ironie, et que le ton général accusait un dépit dont on ne manquerait pas de lui demander les raisons. On a beau être chevaleresque, on est homme, et toujours quelque levain mauvais fermente et s'agite sous les plus généreuses résolutions. « Non, dit M. de Breul, cette lettre est indigne de moi. » Et sur cette réflexion, il recommença, cherchant pour les exposer les excuses les plus naturelles, parlant vaguement de sa vie, d'habitudes enracinées, de certaines liaisons qu'il ne sentait pas le courage de briser. Ce petit chef-d'œuvre de diplomatie terminé, il le remit à un des domestiques du club avec l'ordre de le porter immédiatement à son adresse. M. de Breul pensait que ce devoir d'honneur rempli, ses vaisseaux brûlés, il se sentirait l'esprit et le cœur plus libre. Point. Il se mit au jeu, mais au bout d'un quart d'heure il en avait assez. Il voulut dîner, il n'avait pas faim et ne put manger. Il entra à l'opéra, il y bâilla, la musique lui portait sur les nerfs. De guerre lasse, il rentra chez lui sur les 2 heures, ce qui ne lui était pas arrivé depuis près d'un an. L'obsession persistait. Détacher sa pensée de Sabine lui était aussi impossible que d'empêcher son pouls de battre plus vite qu'à l'ordinaire. Qui était cet homme qu'on lui préférait? Il estimait trop le caractère de Mademoiselle de Mussidan pour la soupçonner d'un choix indigne. D'un autre côté, il avait vu en sa vie tant de passions inexplicables. Quand les gens les plus expérimentés se laissent prendre à des pièges grossiers, comment une jeune fille se défendrait-elle contre les surprises de son cœur? Si pourtant elle s'était trompée, se disait M. de Breul, s'il était possible de lui ouvrir les yeux. Puis, pour s'excuser sans doute de garder cette espérance, il ajoutait « S'il est digne d'elle, au contraire, eh bien, je l'aiderai à renverser les obstacles. » Il se complaisait à cette idée, savourant à l'avance l'âpre plaisir qu'il goûterait à assurer le bonheur de celle qu'il aimait et qui le repoussait. Peut-être, cependant, à son insu, se mêlait-il à cette belle générosité un désir vague d'affirmer sa supériorité et de l'étaler aux yeux de Sabine. À 4 heures du matin, il était encore dans son fauteuil, au coin de son feu éteint. Il était presque décidé à aller voir André. Quand on est riche, on a toujours en poche un prétexte pour visiter l'atelier d'un peintre. Quant à ce qu'il ferait ou dirait, il ne s'en occupait pas, s'en remettant au hasard des événements et à son expérience. Il se coucha sur cette détermination. Mais le lendemain, à son réveil, sa résolution chancelait. Pourquoi se mêlerait-il de cette affaire? D'un autre côté, la curiosité le poignait. Enfin, sur les 2 heures, il donna ordre d'atteler, et quelques instants plus tard, il prenait au grand trot le chemin de la rue de la Tour d'Auvergne. Madame Poilveux, la discrète concierge d'André, était debout sur sa porte, appuyée sur le manche de son balai, lorsque le magnifique attelage de M. de Breul s'arrêta devant la maison. La digne femme eut comme un éblouissement. De sa vie, elle n'avait vu de près des chevaux si luisants sous leurs harnais plaqués d'argent, avec leurs bouffettes aux oreilles. Une voiture à ce point étincelante, des domestiques si richement habillés. « Grand Dieu » pensa-t-elle. « Est-ce bien pour nous que vient ce seigneur? Ne se trompe-t-il pas ?» Mais son ahurissement n'eut plus de borne lorsque M. de Breul, descendu de son coupé, s'avança vers elle et lui demanda « Monsieur André, artiste peintre ?»« Pour sûr, » répondit-elle, « c'est ici qu'il demeure. » et voilà déjà plus de 2 ans qu'il est notre locataire. Ah, si tous les artistes lui ressemblaient! Ce n'est pas lui qui serait en retard pour son terme. Et rangé qu'il est, et poli, et complaisant. Jamais de noces chez lui, ni de tapage. Un être parfait, quoi. Et sans la petite dame des Champs-Élysées. Mais quoi? Vous savez, on est jeune ou on ne l'est pas. Elle parlait, sans trop savoir ce qu'elle disait, tant elle appliquait son attention à considérer le possesseur de cette superbe voiture. « Indiquez-moi son atelier, » interrompit M. de Breul, impatienté. « Eh bien, c'est au 4e, à droite, le nom est sur la porte, on ne peut se tromper. Mais c'est égal, je vais conduire, monsieur. Inutile, ma brave dame, je trouverai, ne vous dérangez pas. » M. de Breul se dirigea vers l'escalier, et Mme Poilveux demeura sur le seuil, la bouche ouverte jusqu'au gosier, aussi immobile que la femme de l'hôte après sa cristallisation. « Voilà une histoire, » pensa-t-elle. « On vient voir M. André en grand tralala à 7 heures. »« Quel genre ? Un garçon qui n'a l'air de rien du tout. » »« Il y a bien 4 jours que Poilveux n'a pas fait son ménage, et il ne s'est pas seulement plaint. »« Ah, mais cela ne peut durer ainsi. Un artiste qui a des connaissances comme ça, on le soigne. Lui qui est bon enfant, il est capable de nous faire avoir un bureau de tabac. » Mais quel peut être ce grand personnage? Sur cette réflexion, elle rentra poser son balai derrière la porte, décidée à revenir, selon son expression, tirer les verres du nez des domestiques. Pendant ce temps, M. de Breul Faverlet montait lentement, et un homme qui ménage sa respiration le raid-escalier. Il était arrivé au dernier étage et allait frapper à la porte sur laquelle il lisait le nom d'André, quand, au bruit d'un pas jeune et leste, derrière lui, il se retourna. Il était sur les 3 paliers, face à face avec un jeune homme, grand et très brun, vêtu d'une de ses longues blouses blanches, comme en portent les ornemanistes à leur travail. Il tenait à la main un grand broc de zinc qu'il venait de remplir d'eau au réservoir de la maison. « Monsieur André ?» demanda M. de Breul. « C'est moi, monsieur. Je désirais vous parler. Veuillez alors, monsieur, prendre la peine d'entrer chez moi. » Ce disant, le jeune peintre se glissa entre la rampe et M. de Breul, et ouvrit la porte de son atelier où il précéda son visiteur. La première impression de M. de Breul avait été favorable à André. Il avait été frappé, lui qui avait l'expérience des hommes, de cette physionomie ouverte et hardie, de ce regard lumineux et franc, de cette voix ronde et sonore. « En tout cas, pensa-t-il, celui-là est un homme. » D'un autre côté, bien que les épreuves de sa jeunesse l'eussent dépouillé de quantité de préjugés, le costume d'André l'étonnait. Il avait bien du mal à imaginer l'homme distingué par Sabine de Mussidan en blouse, allant chercher lui-même son eau à la pompe. Mais on ne voyait rien de sa surprise. Il avait eu le temps, depuis la veille, de reprendre cet air parfaitement détaché de tout qui lui était habituel. « Je dois, monsieur, commença André, vous prier de m'excuser de vous recevoir ainsi. Mais que voulez-vous, tant qu'on n'est pas très riche, on n'est bien servi que par soi, et encore. » Il montrait, en même temps, sans embarras mais sans forfanterie, sa blouse et son broc qu'il venait de déposer dans un coin. Le ton plut à M. de Breul, qu'eut un sourire et un geste cordial. « C'est à moi, plutôt, qui vous dérange, de vous demander pardon. Je vous suis adressé par un de mes amis, un de mes... » Il cherchait. « Par le prince Crescenzi, peut-être ?» demanda André. C'est à peine si M. de Breul connaissait le célèbre amateur. Mais il saisit avec empressement la perche que lui tendait son interlocuteur. « Précisément, » répondit-il. « Le prince fait le plus grand cas de votre talent et n'en parle qu'avec enthousiasme. Connaissant la sûreté de son goût, je me suis dit qu'il me faudrait un tableau de vous. Soyez tranquille, vous serez chez moi en bonne compagnie. » André s'étant incliné, plus rougissant qu'une pensionnaire à un compliment de Monseigneur l'évêque. « Je ne saurais trop vous remercier, monsieur, » dit-il, « d'avoir ainsi cru le prince Crescenzi sur parole. Malheureusement, vous vous serez dérangé, si je crains inutilement. Pourquoi cela? J'ai eu tant d'occupations les mois derniers, tant de travail, que je n'ai rien d'achevé, rien de présentable. » M. de Breul l'interrompit. Qu'importe? Est-ce que l'avenir n'est pas un peu à nous? Ce qui n'est pas fait, vous le ferez. Il est vrai, monsieur, que si vous avez en moi assez de confiance, comment, si j'ai confiance? Crescenzi n'est-il pas votre garant? Alors nous pourrons convenir d'un sujet. Sans s'en douter, André achevait la conquête de son visiteur. « C'est particulier, » pensait M. de Breul. « Je devrais le haïr, ce garçon. J'ai pour cela 1000 bonnes raisons. Et jamais cependant personne ne m'a été si sympathique. » Comme il se taisait, Cherchant à se bien rendre compte de ses sentiments encore confus, André reprit la parole. « J'ai là, monsieur, une trentaine d'esquisses qui deviendront, je l'espère, des tableaux passables. Si l'une d'elles vous convenait ?»« Oui, voyons, » répondit avec empressement monsieur de Breul. Ayant jugé le caractère, il n'était pas fâché de juger le talent, et c'est avec la plus sérieuse attention qu'il commença à passer en revue les toiles accrochées au mur. André, sans mot dire, le laissait faire. Cette commande qui lui venait, pensait-il, par l'entremise du prince Crescenzi, pouvait être le point de départ de sa fortune artistique. Le prince est un des 7 ou 8 amateurs de l'Europe qui, d'un mot, peuvent faire vendre 10 000 francs la plus indigne croûte. Mais André n'était pas en disposition de se réjouir de ce bonheur. Rarement, en sa vie tourmentée, il avait éprouvé une tristesse pareille à celle qui en ce moment lui serrait le cœur. C'est que l'avant-veille, après lui avoir annoncé une démarche décisive, Sabine l'avait quitté en lui disant « à demain, une lettre ». Or, ce lendemain, impatiemment attendu, était passé, on était au surlendemain, 3 heures venaient de sonner, et il n'avait reçu ni un mot, ni un signe de vie, rien. Depuis 48 heures, il était sur des charbons ardents. Il ne doutait pas de Sabine. Il eût douté de soi avant. Mais que s'était-il passé là-bas, à cet hôtel de Mussidan, dont les portes lui étaient fermées? Il endurait cet intolérable supplice qui torture un homme énergique lorsqu'il sent sa destinée se décider et qu'il sait ne rien pouvoir pour hâter la solution et se la rendre favorable. Cependant, M. de Breul avait terminé son examen. Pour lui, désormais, le talent d'André était évident, indiscutable. Sur toutes ses toiles, esquissées à la hâte, on pouvait relever de grands défauts, des inexpériences, des témérités malheureuses, mais chacune d'elles était marquée au cachet d'une puissante individualité. André était un homme, dans la forte acception du mot. Il était artiste aussi, en restituant à ce titre magnifique son véritable sens. Dire que l'orgueil de Breul Faverley ne saignait pas sous les griffes aiguës de la jalousie serait trop dire. Mais il sut dompter les révoltes des sentiments mauvais. C'est franchement et loyalement qu'il tendit la main au jeune peintre. « Lorsque je suis entré chez vous, monsieur, lui dit-il, je désirais un tableau de vous. Maintenant je le veux. Ce n'est plus sur la foi d'un autre que je crois à votre talent. » Et comme André ne répondait pas, « J'ai choisi mon esquisse, » ajouta-t-il, « arrêtons nos conditions. » Pauvre, sans protecteur, sans influence d'école, attaché à la rude tâche quotidienne qui lui donnait du pain, André n'avait eu le temps ni les moyens d'aller étudier au pays classique les secrets des poésies de convention. Il se contentait de rendre ce qu'il voyait et sentait. Il estimait que faire palpiter sur la toile la passion et la vie est un peu plus difficile que d'y peinturlurer des bonshommes en costume étranger. Entre toutes ces esquisses, il s'en trouvait une qu'il avait appelée le lundi à la barrière. Au premier plan, 2 hommes luttaient qu'un troisième s'efforçait de séparer. Les vêtements déchirés laissaient voir les torses nus. Les muscles saillaient sous les chairs palpitantes. Les visages avaient les contorsions de l'ivresse, de la haine et de la colère. Un peu à droite, une femme, la cause du combat, était étendue à terre, les cheveux épars, une large blessure à la tempe, et 2 de ses compagnes accroupies près d'elle s'efforçaient de lui faire reprendre ses sens. Quelques badauds faisaient cercle. Les enfants se sauvaient, et dans le lointain on apercevait les tricornes des sergents de ville qui accouraient. Chose vulgaire, oui, scène vraie. Et seule, la vérité à cette heure peut sauver l'art, mais la vraie, non la convenue, celle qui agrandit et généralise, non celle qui particularise et rapetisse. C'est cette esquisse que désigna M. de Breul. Voilà, dit-il, ce que je voudrais. Alors André, avec cette insistance pratique que donne l'habitude des déceptions, entra dans les détails de l'exécution, s'appliquant sur la composition, sur les proportions à donner au sujet, sur les dimensions de la toile, sur tout, enfin. M. de Breul, du geste et de la voix, approuvait. « Ce que vous ferez, disait-il, sera bien fait. Que rien ne vous gêne ni ne vous inquiète. Obéissez à vos inspirations. » Il brûlait maintenant d'en finir et de se retirer, ayant trop de délicatesse pour ne pas souffrir de la fausseté de la situation. La confiance d'André le gênait considérablement. Il en perdait son assurance. Toutes les conventions étaient arrêtées, et il fallut à M. de Breul un effort de volonté pour aborder la question du prix de ce tableau qu'il commandait. Peut-être s'attendait-il à des tergiversations, aussi malgré d'une fausse modestie et d'un désintéressement ridicule. Point. « Monsieur, répondit dignement André. La valeur de la peinture étant toute de convention, je ne puis rien vous dire. Une toile de la dimension que nous disons coûte blanche 80 francs. Couverte de couleurs, elle peut n'avoir plus aucune valeur ou valoir. Pensez-vous, interrompit M. de Breuil, qu'en vous offrant 10 000 francs, André eut un geste de protestation. Trop, fit-il, beaucoup trop. Cependant, en l'état actuel, n'étant pas plus connu que je ne suis, 4 000 francs seront un prix magnifique. Si cependant je réussissais au-delà de mes espérances, eh bien je vous demanderais 6 000 francs. Soit, répondit M. de Breuil, voilà qui est dit. Il avait tiré de sa poche un élégant portefeuille à son chiffre. Il y prit 2 000 francs qu'il posa sur la table en disant « Voilà toujours la moitié d'avance. » Le jeune peintre devint plus rouge que le carmin de sa palette. « Vous voulez plaisanter, monsieur ?»« Pas loin du monde, » répondit gravement M. de Breuil. « J'ai en affaire des principes dont je ne m'écarte jamais. » Puis, du ton le plus encourageant, il ajouta « Qui vous dit que je ne prétends pas vous lier, mon cher maître? Ces 2 billets nous tiennent lieu de contrat. » Ainsi présentée, l'action de M. de Breuil n'avait rien que de très flatteur. Cependant, la susceptibilité un peu excessive peut-être de André s'effarouchait. « C'est que, monsieur, commença-t-il, je ne pourrais vous livrer ce tableau avant 5 ou 6 mois. J'ai traité avec un riche entrepreneur, M. Gandelu, pour les sculptures d'une maison. Qu'importe, insista M. de Breuil, je ne reviens jamais sur ce que je dis. » Décemment, à moins d'être fou, André ne pouvait résister davantage. Il inclina la tête en signe d'assentiment, ne pouvant s'empêcher de s'avouer que cet argent arrivait singulièrement à propos. M. de Breuil, lui, s'apprêtait à se retirer. « Donc, fit-il en ouvrant la porte de l'atelier, bonne réussite, mon cher peintre. Si vous étiez aimable, vous viendriez un matin me demander à déjeuner. Je vous montrerai un Murillo qui, à lui seul, vaut le voyage. » Et autant pour affirmer son invitation que pour faire savoir qui il était, il tendit sa carte et sortit. En présence de ce visiteur, André n'avait pas donné un regard à cette carte. Dès qu'il fut seul, il regarda. Ce nom de Breuil Faverley lui sauta aux yeux plus flamboyant que l'éclair qui précède la foudre. Pendant une seconde, il fut assommé. À la seconde suivante, une épouvantable colère charria tout son sang à son cerveau. Il se fit jouer, railler, humilier. Sans se rendre compte de ce qu'il faisait, il se précipita sur le palier et se penchant le long de la rampe, il appela pleine voix « Monsieur, monsieur !» Monsieur de Breuil, qui déjà était arrivé au second étage, releva la tête. « Remontez !» cria André. Après un mouvement insaisissable d'hésitation, le gentilhomme obéit. Lorsqu'il fut rentré dans l'atelier, « Reprenez votre argent, monsieur !» lui dit André d'une voix que la colère rendait à peine intelligible. « Reprenez ces billets » « Qu'avez-vous ? Qu'y a-t-il ? » « Rien, sinon que j'ai réfléchi. Je ne puis faire, je ne ferai pas votre tableau. »« Ah ça, pourquoi ? Pourquoi ?» Monsieur de Breuil le savait parfaitement. Il comprenait que Sabine avait prononcé son nom et dit ses espérances. Peu généreux en cette circonstance, imprudent même, il abusait de la position si difficile et si délicate du jeune peintre. « Parce que, répondit André, mais ce n'est pas une raison, cela. » André perdait la tête. Dire les raisons de son revirement soudain était impossible. Il fut mort plutôt que de prononcer le nom de Sabine. Il ne vit que la violence pour sortir d'une situation sans issue. « Eh bien, monsieur, fit-il avec un regard chargé de haine, admettez que votre figure m'a déplu. C'est une raison, cela. » « Mais c'est une provocation, cela, monsieur André. » « Ah, ça sera ce que vous voudrez. » La patience n'était pas la vertu dominante de monsieur de Breuil. Il devint plus blanc que sa chemise et eut un mouvement terrible. Mais sa nature généreuse reprenant aussitôt le dessus, c'est d'une voix émue qu'il dit « Acceptez mes excuses sincères, monsieur André. Tenez, je l'avoue, j'ai joué un rôle qui n'était digne ni de vous ni de moi. Je devais, dès en entrant, me nommer et vous dire « Je sais tout. » « Je ne vous comprends pas, monsieur, » répondit André d'un ton glacé. « Si, vous me comprenez, mais vous vous défiez de moi. J'ai mérité cette injure. Cessez de feindre, cependant. » « Mademoiselle Sabine m'a tout confié, tout, entendez-vous bien ? Et s'il vous fallait une preuve, je vous dirais que cette toile que j'aperçois là, tournée du côté du mur, doit être le portrait de Mademoiselle de Mussidan. » André, gardant toujours le silence, M. de Breuil eut un triste sourire. « J'ajouterai, reprit-il, pour dissiper tous vos soupçons, que hier, sur la prière de Mademoiselle Sabine, j'ai retiré la demande que j'avais faite de sa main. » Aux explications de ce galant homme, reconnaissant si noblement ses torts, André avait senti peu à peu sa colère se dissiper. « Je ne saurais trop vous remercier, monsieur, » commença-t-il. « Oh !» interrompit vivement monsieur de Breuil. « On ne doit pas de remerciements à qui n'a fait que strictement son devoir. Je mentirais en vous disant que je n'ai pas été douloureusement surpris. Mais enfin, ce que j'ai fait, vous l'eussiez fait à ma place. C'est vrai, monsieur. Et nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas ?» dit monsieur de Breuil en tendant la main. Ce n'est pas sans une violente émotion que André serra cette main loyale qui lui était tendue. « Oui, ami, » balbutia-t-il, « ami. » Monsieur de Breuil devait croire que tout était oublié. « Cela étant, reprit-il, avec une gaieté un peu forcée, ne parlons plus de ce tableau qui n'était qu'un prétexte. Tenez, je serai franc, avec vous comme avec moi-même. En venant ici, je me disais, si l'homme que mademoiselle Sabine me préfère est digne d'elle, je ferai tout au monde pour qu'il soit accepté par sa famille. Je suis venu, monsieur, je vous ai jugé et je vous dis, faites-moi un grand plaisir et un grand honneur. Laissez-moi mettre au service de votre amour ma personne, ma fortune, mes influences et mes amis. » C'est avec l'enthousiasme du dévouement le plus pur et dans toute la sincérité de son âme que M. de Breuil Faverley se mettait à la disposition de ce jeune homme dont il enviait le bonheur. La générosité à ses entraînements et le sacrifice librement consenti, si pénible qu'il puisse être, procure comme une amère jouissance, qui est la récompense première. Cependant, André secoua tristement la tête. « Je n'oublierai jamais vos offres, monsieur, seulement... » Il hésitait, M. de Breuil insista. « Seulement... » « Eh bien, je ne saurais les accepter. » Le gentilhomme eut un geste de surprise. « Pourquoi ? » interrogea-t-il. « Tenez, monsieur, » répondit André. « Moi aussi, je serai franc avec vous, et je vous dirai toute ma pensée. Vous trouverez peut-être mes susceptibilités ridicules, mais que voulez-vous ? Le malheur, lorsqu'il ne brise pas le ressort de la dignité, exalte et irrite l'orgueil. J'aime mademoiselle de Mussidan de toutes les forces de mon être. Il n'est pas dans mes veines une goutte de sang qui ne lui appartienne. Je donnerai avec transport la moitié des années que j'ai à vivre pour combler l'abîme qui nous sépare. Et pourtant, il s'interrompit, cherchant les expressions justes pour rendre ce qu'il ressentait, et enfin, avec une violence contenue, il ajouta « De grâce, ne vous offensez pas de ce que je vais vous dire. Je renoncerai à mademoiselle Sabine plutôt que d'accepter votre assistance. Mais c'est de la folie !» s'écria M. de Breuil. « Non, monsieur, non, ce n'est pas folie, mais sagesse. Il est de ces dévouements qu'on doit repousser, car on ne peut que les payer de la plus noire ingratitude. Si je me rendais à vos désirs, votre rôle serait trop beau, trop sublime, je me sentirais affreusement humilié, je serais jaloux. Ne suis-je donc pas déjà assez écrasé par votre supériorité ? Pendant que vous êtes des plus nobles et des plus riches de Paris, je suis des plus pauvres, je n'ai pas d'état civil. Je suis si bien seul, ignoré, perdu en ce monde, que je n'ai même pas été appelé à tirer à la conscription. Tout ce qui me manque, vous l'avez, et vous voudriez... « Mais j'étais pauvre aussi, moi, » répétait M. de Breuil. « J'étais malheureux autant et plus que vous. » André, qui ne connaissait rien du passé de M. de Breuil, qui ne voyait que les éblouissements du présent, s'arrêta stupéfait. « Savez-vous ce que je faisais à votre âge ?» continua le gentilhomme. « Je mourais de faim au fond de la Sonora. Pour vivre, j'étais réduit à endosser la chemise de laine du manouvrier ou à entrer au service d'un spéculateur de Gaïmas, comme toucheur de bœufs. Pensez-vous qu'en ces instants je m'estimais amoindri ?»« Eh ! » s'écria le jeune peintre, « tant mieux si vous avez souffert, vous me comprendrez plus aisément. Croyez-vous donc que je ne me juge pas votre égal ? Détrompez-vous ! Mais je cesserai de l'être le jour où j'aurai recours à vous. N'est-ce pas à mon énergie et à mon courage que je dois d'avoir été distingué par mademoiselle de Mussidan ? Elle a eu foi en moi, le jour où elle m'a dit « Élevez-vous jusqu'à moi. Ce qu'elle a ordonné, je le ferai ou je périrai à la tâche. » Mais dans tous les cas, je suis résolu à réussir ou à périr seul. Je ne veux pas de remords après la victoire. Je ne veux pas qu'un homme puisse dire de moi « C'était ma rare générosité, à ma chevaleresque abnégation que celui-ci doit son bonheur. » « Oh, monsieur !» protesta M. de Breuil. « Monsieur !»« Non, sans doute !» interrompit André. « Vous ne diriez pas cela hautement. Votre délicatesse est bien trop grande. Mais ne le penseriez-vous pas ?» Et ça le serait, en effet, et je le saurais. Et la fille du noble comte de Mussidan, devenue la femme du peintre André, le saurait aussi. C'est-à-dire que j'arriverais à Sabine dépouillée de ma seule noblesse, ma sauvage fierté. Notre mariage, arrivant ainsi, serait sa première désillusion. Est-ce que, involontairement, elle ne vous comparerait pas de nouveau? Que serais-je alors à ses yeux? Infailliblement, l'avenir changerait le bienfait en une mortelle et ineffaçable injure. Ah, tenez, ma vie serait empoisonnée. Toujours, entre ma femme et moi, votre fantôme se dresserait. » Il s'arrête à court, comme effrayé de sa violence. Une phrase encore, elle allait menacer ce galant homme qui se conduisait si noblement. Il fit à sa volonté un énergique appel, et c'est d'un ton de courtoisie parfaite qu'il ajouta « Mais en vérité, je ne sais ce que je dis. Nous vous devons trop, déjà, monsieur, pour que je ne tienne pas l'honneur de rester votre ami. » Ainsi, comme Sabine, il disait « nous ». Ce que Mademoiselle de Mussidan avait prédit se réalisait. À l'idée seule d'une apparence de protection, André se révoltait. Mais M. de Breul était digne de comprendre cet emportement d'André, emportement qui fait bien rire des gens à une époque où tourner en ridicule tout sentiment sérieux et profond est considéré comme une preuve d'esprit et de goût. Même, il était si violemment ému que la pensée ne lui vint pas d'ajouter un seul mot. Lentement, il replaça dans son portefeuille les 2 billets de 1 000 francs restés sur la table, et d'une voix vibrante, il dit « Je vous approuve, monsieur. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous qu'à toute heure de jour et de nuit, vous pouvez compter sur Breul Faverley. Adieu. » Resté seul, André se trouva moins malheureux qu'il ne l'était depuis 2 jours. Grâce à M. de Breul, il savait maintenant que Sabine n'avait pas rencontré d'obstacles imprévus, et s'il s'étonnait de n'avoir pas encore de ses nouvelles, il ne s'en inquiétait plus. Cependant, il était si agité encore qu'il lui fut impossible de profiter d'un reste de jour pour terminer certaines maquettes qu'il devait soumettre à M. Gandelu le père. Il se jeta dans son fauteuil et s'efforça de ressaisir les moindres détails de la scène qui venait d'avoir lieu. Il eut très probablement oublié l'heure du dîner, si au moment où il était enfoncé le plus avant dans ses rêveries, Mme Poilveux n'était entrée sans frapper. « Voici une lettre que le facteur rapporte, » dit-elle. C'était miracle de voir Mme Poilveux monter une lettre au 4e étage. Mais, renseignée sur la personnalité de M. de Breul, elle avait décidé que son artiste serait désormais servi mieux qu'un prince. Mais André était si préoccupé que cette complaisance surprenante ne le frappa pas. Il ne songea qu'à Sabine. « Une lettre ? » s'écria-t-il en se dressant d'un bond. « Vite, donnez !» Et il la prit, il l'arracha plutôt des mains de la portière. Mais ce n'était pas Sabine qui avait tracé les caractères communs et irréguliers de l'adresse. Pourtant, il était aisé de reconnaître une écriture de femme. Avec une impatience nerveuse, André déchira l'enveloppe, chercha la signature et vit Modeste. Modeste, la femme de chambre de Mademoiselle de Mussidan, qu'est-ce que cela signifiait? Il frissonna, pressentant quelque malheur horrible, et c'est comme à travers un brouillard qu'il lut. Je vous adresse la présente à la seule fin de vous faire savoir que Mademoiselle Sabine a bien réussi pour ce que vous savez. Si je me permets de vous écrire sans ordre, c'est que, hélas, Mademoiselle est si malade qu'elle ne peut vous donner de ses nouvelles. Ces quelques lignes foudroyèrent André. Sabine, malade ? Balbutiait-il. Sans penser aux avides oreilles de la Poilveux. Sabine, trop malade pour pouvoir m'écrire ? Mais alors, elle est en danger, elle est morte peut-être. Il demeurait immobile, l'œil fixe, les traits décomposés, et il répétait comme un mot vide de sens. Morte ? Morte ? Mais presque aussitôt, la réaction se produisit. Il froissa la lettre de Modeste, la jeta à terre, et tête nue, vêtue de sa blouse de chantier, il s'élança dehors. La stupéfaction de la Poilveux était évidente. « En voilà une d'aventure !» murmura-t-elle. « Ah ça, mais !» Elle s'arrêta souriante. Elle venait d'apercevoir à ses pieds la lettre. Elle la ramassa et lut. « Tiens, tiens, tiens !» marmottait-elle. « La petite dame s'appelle Sabine. Joli nom. Ah, elle est malade. C'est donc ça qu'il est comme fou. C'est égal. J'ai dit que ce vieux si mal mis et si aimable qui est venu me questionner sur M. André me donnerait bien quelque chose de cette lettre. Ah mais non. Pour ça, non. On est honnête ou on ne l'est pas. »